إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون روى الإمام مسلم في صحيحه قال حدثني عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في إبله فجاءه ابن عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم فضرب سعد في صدره فقال اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إخوة الإسلام, موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع قول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ففي هذا الحديث يرغب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي هذا الحديث يرغب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته في مكارم الأخلاق وجميل الصفات ويرشدهم إلى ما يحبه الله جل وعلا من عباده الصالحين. فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب العبد التقي. وعن التقوى قال الإمام علي قال علي رضي الله تعالى عنه وقال علي رضي الله تعالى عنه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وعن طلق بن حبيب رحمه الله تعالى قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. عباد الله, فالمرء محتاج للتقوى ولو كان أعلم العلماء وأتقى الأتقياء فهو يحتاج إلى التقوى, لأن الإنسان تمر به حالات ويضعف في حالات يحتاج إلى التقوى للثبات عليها, يحتاج إلى التقوى للازدياد منها. والتقوى هي أجمل لباس يتزين به العبد. قال الله جل وعلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. والتقوى الله وتقوى الله سبحانه وتعالى إذا استقرت في القلوب وارتسمت بها الأقوال والأعمال والأحوال أثمرت وأعقبت من الفضائل والفوائد والثمر شيئا كثيرا به تصلح الدنيا والآخرة. أيها المسلمون, قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. نأتي إلى معنى الغني. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, فالغنى كما قيل عند بعض العلماء فالغنى هو غنى النفس, فهو الغنى المحبوب من الله, فهو الغني المحبوب من الله جل وعلا. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. الغني هو الذي يستغني عن الناس ويقنع بما رزقه الله سبحانه وتعالى, فهو غني بالله عز وجل عن من سواه, فهو غني بالله عز وجل عن من سواه. ولهذا قال ابن بطال ليس حقيقة الغنى كثرة المال, لأن كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي. فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتي، فكأنه فقير لشدة حرصه. وغنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله عز وجل والتسليم لأمره، علما بأن الذي عند الله خير وأبقى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإنما يحصل غنى النفس بغنى القلب، بأن يفتقر إلى ربه في جميع أموره، فيتحقق أنه المعطي المانع فيرضى بقضائه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أيها المسلمون، الخفي أي المنقطع إلى عبادة الله عز وجل، إلى عبادة الله جل وعلا والاشتغال بأمور نفسه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Serviteur d'Allah, chaque croyant, chaque croyante, on va étudier un hadith aujourd'hui immense. D'après Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala an, il nous est rapporté un jour que Sa'd, et ça c'était à l'époque après le califat de Uthman ibn Affan, alors que ce grand compagnon, et on a parlé de ce compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas dans le sermon dernier, alors qu'il se trouvait, il était isolé, il s'était recueilli aux extrémités de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Madina. Un jour, l'un de ses fils, qui s'appelait Omar, et s'est rapporté par un autre de ses fils, Amir. Dans une version, Amir, un de ses fils, rapporte que son frère Omar s'est rendu chez son père Sa'd ibn Abi Waqqas alors qu'il était avec ses bêtes, alors qu'il gardait ses pâturages. Et là, son fils, en arrivant, Sa'd ibn Abi Waqqas a demandé la protection d'Allah, il s'est réfugié auprès d'Allah contre le mal de ce venant. À savoir, les savants ont expliqué dans le sens, lorsqu'une personne vient, alors on appréhende les informations qu'il va nous rapporter. Alors Sa'd ibn Abi Waqqas, lorsqu'il a vu l'homme arriver sur sa monture, alors il a demandé protection auprès d'Allah et se réfugie auprès d'Allah contre le mal de ce venant. Et lorsque cet homme qui était sur sa monture se rapprocha de Sa'd, c'était son fils. Alors son fils s'adressa à son père Sa'd ibn Abi Waqqas en lui disant: alors que les gens sont en train de se disputer le pouvoir, toi tu es là avec ton pâturage, tes bestiaux, tes chameaux et tes bêtes. Et là, Sa'd ibn Abi Waqqas, le grand compagnon, a frappé sur la poitrine de son fils, a mis la main et a frappé sur la poitrine de son fils en lui disant: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam dire: inna Allah, certes Allah aime le serviteur pieux, vertueux, riche et discret. Dans une traduction littérale du hadith, Ce hadith, mes frères, en quelques minutes, on va demander à Allah Jalla wa'ala qui nous accorde la bénédiction pour comprendre ce récit qui est immense. C'est un récit énorme. À travers ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on apprend comment on peut accéder à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car chaque serviteur, ce qu'il recherche dans cette vie d'ici-bas, c'est que son Seigneur l'agrée et l'aime. Recherche l'amour de son Seigneur. Prétendent aimer Allah, prétendent aimer le Créateur, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut prétendre aimer le Créateur. Mais ce qui est important, c'est que le Créateur nous aime. Ce qui est important, c'est que le Créateur soit satisfait de nous. Ce qui est important, c'est que le Créateur nous agrée. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah jalla wa ala aime une catégorie de serviteurs. Et pour accéder à cet amour, les savants, dans l'explication de ce récit, nous disent qu'il faut trois caractéristiques qu'a mentionné justement le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Allah aime l'homme, la personne, l'individu lorsqu'il est. Il est dit dans le récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit taqi. Taqi, c'est celui qui fait preuve de piété, c'est celui qui accomplit ce qu'Allah jalla wa ala lui a commandé, prescrit d'accomplir et évite ce qu'Allah jalla wa ala lui a tardi. Il est vertueux, il fait preuve de at-taqwa. C'est l'habit de la piété, ce qu'Allah jalla wa ala a recommandé et ordonné à l'homme. Chacun, même s'il est savant, il a besoin de piété. Chacun, même s'il a cette piété, il doit toujours la rechercher et la pratiquer, cette piété. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite dans le récit la deuxième caractéristique, il dit El Rani. Donc j'ai traduit d'une manière littérale le riche. Mais le sens que expliquent beaucoup de grands théologiens musulmans et de grands savants, ils disent que c'est la richesse interne, rinan nafs, la richesse du cœur. Lorsque la personne se suffit de ce qu'Allah jalla wa ala lui a donné, il se suffit de son Seigneur. Et c'est ça la réelle richesse que nous enseignent les savants. Ce n'est pas la richesse des biens, ce n'est pas la possession de biens ou d'argent. La richesse qui est sous-entendue dans ce récit, comme c'est expliqué par une grande majorité de savants, c'est ce qu'on appelle rinan nafs. Et Rinan Nefs, elle est même mentionnée dans un hadith authentique qui nous est rapporté du prophète, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué cette richesse comme étant une richesse interne, une richesse du cœur. Lorsque la personne se passe des autres, lorsque la personne ne convoite pas ce qu'il y a chez autrui, il ne convoite pas et n'en vit pas ce qu'il y a chez autrui. Mais lui, ce qu'il recherche, c'est ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cette richesse du cœur. Et justement, ce qu'il recherche, c'est ce qu'il y a auprès d'Allah. Et il est heureux, et il jouit, et il vit dans un bonheur, et il reconnaît ce qu'Allah jalla wa ala lui a donné comme bienfait. Il se suffit de cela, et il est heureux de ce qu'Allah jalla wa ala lui a accordé, octroyé comme bienfait. Il est satisfait de cela. Wal khafi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité une troisième caractéristique, Al-Khafi, qu'on traduit de manière littérale, le discret. Les savants nous expliquent dans l'explication de cela, c'est celui qui ne cherche pas la célébrité, c'est celui qui ne cherche pas les compliments, c'est celui qui ne cherche pas les éloges des gens, c'est celui qui ne convoite pas le fait d'être célèbre, d'être connu. C'est une personne qui se recueille. C'est une personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une personne qui essaye de rester discrète dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une personne qui ne se bat pas pour accéder à la célébrité et à la notoriété. Mais cette personne, il recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il nous a rapporté de l'imam Ahmed ibn Hanbal, alors que c'était un imam célèbre en son temps, l'un des plus grands imams de son siècle, il disait « J'ai été éprouvé par la célébrité, si j'aurais pu aller m'isoler dans les montagnes de la Mecque, je l'aurais fait. » Je l'aurais fait. Beaucoup de gens veulent cette célébrité. Allah aime ceux qui sont discrets, ceux qui se recueillent. Comme cela est le croyant. Comme cela est l'homme qui recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith est court. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce récit court, nous a donné la caractéristique de l'homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Celui qui veut être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il s'efforce d'avoir un bon comportement. Le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mène vers les nobles comportements. Pour atteindre cela, les nobles moralités. C'est pour cela que le musulman doit bien se comporter. Le musulman doit pratiquer cela. Allah subhanahu wa ta'ala yuhib al-taqi al-ghani al-khafi. Donc ça, c'était une brève et concise explication. Or, les savants ont écrit des livres sur ce sujet, ont expliqué ces nobles moralités et ces nobles comportements. Pour terminer, je fais un rappel à mes frères et à moi-même. Nous demandons aux frères qui sont à l'extérieur, ou parfois les frères qui viennent en retard, qu'Allah vous récompense, s'il vous plaît, ayez un bon comportement. Si on ne sait pas se comporter lorsqu'on vient dans une maison parmi les maisons d'Allah, puisqu'il nous est dit dans un hadith que la mosquée c'est Bayt min buyutillah subhanahu wa ta'ala, wa khairul biqa' al-masajid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le meilleur endroit c'est la mosquée, ou plutôt ahab al-biqa' ilallahi azza wa jal. L'endroit le plus aimé d'Allah c'est la mosquée. Alors si lorsqu'on vient à la mosquée, on n'arrive pas à se parer avec cette parure qui est le bon comportement, les nobles moralités, si on vient, on est en retard, il n'y a plus de place. Qaddar Allahu ma sha fa'al. Qaddar Allahu ma sha fa'al. Inna al-a'mal bin niyyat. Les œuvres valent selon leurs intentions, mais la personne doit s'efforcer de faire les causes. Ne soyez pas un mal pour la mosquée, pour les fidèles, pour les frères qui s'occupent de l'organisation. Ce n'est pas facile pour tout le monde, nous le savons, dans ces conditions qu'on vit par rapport aux causes sanitaires et autres. Ce n'est pas facile pour tout le monde, mais soyez indulgents, soyez tolérants et pensez au travail que fournit les frères qui s'occupent de l'organisation de la mosquée, et pensez à l'intérêt général. Celui qui est en retard et qui ne peut pas prier, il n'y a plus de place, il attend qu'on a fini la prière, Inch'Allah, mais il ne prie pas dehors. Adala yasluh. Ya ibadallah. Oh les croyants, ça ne convient pas à l'éthique du croyant. On est en retard, il n'y a pas de place, on attend calmement, sagement. Le but c'est de se rapprocher d'Allah. Kayf al-insan yataqarrab ila Allah bihadhihi al-a'mal. الانسان لا يتقرب الى الله عز وجل بسوء الاخلاق. La personne se rapprochera pas d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le mauvais comportement. Il faut bien se comporter, wa khassatan fi bayt min buyutillah عز وجل. فنسال الله جل وعلا ان يوفقنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدي بناتنا اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدنا. اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.